Voici, en 1h10 environ, de larges extraits du roman autobiographique de Jules Vallès, intitulé « Le Bachelier », paru en 1881, 2 ans après « L'Enfant », dont ce roman est la suite, et à la fin duquel il réussissait au bac, donc il était bachelier. Le premier roman était sous-titré « Jacques Vintra 1 », ce deuxième, « Le Bachelier », « Jacques Vintra 2 ». Choix des textes, résumé et enregistrement de Jean-Paul Alexis, mai 2016.